Chapitre 17e. André se leva en entendant ouvrir sa porte. La réclusion avait déjà produit son effet sur lui. Il était nerveux et inquiet. Le moindre bruit l'effrayait comme le présage d'un nouveau malheur. En apercevant Langlois, il essaya de sourire, mais la vue de Marguerite qui venait derrière le médecin lui parut une hallucination. En voyant se décomposer le visage du jeune ingénieur, Marguerite s'avança rapidement, lui prit la main et le fit asseoir sur sa chaise. « Vous, » dit-il faiblement, « vous êtes venu. » C'est elle qui l'a voulu, dit Langlois en affectant un ton joyeux. « Elle s'ennuyait de ne pas te voir, je l'ai amenée. » André adressa à la jeune fille un regard où elle lut tout ce qu'une âme humaine peut ressentir de reconnaissance. « Ton affaire marche, » dit le médecin. « Sans cette maudite dénonciation, tout aurait été à merveille. Mais ce sera bientôt fini, je présume. »« Je l'espère. » répondit André sans quitter Marguerite des yeux. À présent, rien ne lui importait plus. On lui eût dit qu'elle resterait avec lui, il eût accepté de passer en prison le reste de son existence. Ils causèrent de choses et d'autres. Langlois avait toujours soin de ne pas épuiser jusqu'à la dernière minute le temps qui lui était accordé, afin de ne pas se faire appeler, ce qui eût causé au prisonnier une impression pénible. Au bout de 20 minutes, il se leva. « Déjà ?» dit André d'une voix suppliante. Marguerite avait échangé un regard avec son beau-frère. Elle s'approcha rapidement d'André et lui présenta son front. Le jeune homme lui saisit la tête dans les deux mains et l'embrassa passionnément à 2 reprises. « Ce n'est pas ici que j'avais rêvé de vous donner ce baiser de fiançailles, » dit-il tristement en la regardant. « Il n'en est que plus sacré, » répondit-elle. Elle sortit. À peine dans le corridor, elle s'attacha désespérément au bras de son beau-frère. « Qu'il a l'air malade, » dit-elle en fermant les yeux. Langlois la saisit fortement, croyant qu'elle allait s'évanouir, mais c'était une fille courageuse et elle vainquit son émotion. « Comment l'as-tu trouvée ?» demanda Claire, qui les attendait anxieuse. « Mieux que je n'espérais, » répondit-elle avec un bon sourire fait pour rassurer sa sœur. Mais elle essaya vainement de dormir et le jour vint sans qu'elle eût fermé les yeux.